Chapitre 15e, Temps de chien. Ce matin, direction Fos-sur-Mer. Comme je suis presque sur sa route, il suffit à Pardo d'un petit détour pour venir me chercher. Il fait un temps de chien, c'est-à-dire à ne pas mettre un chien dehors. Aujourd'hui, ni bateau blanc, ni goéland. Comme c'est quelquefois le cas, le ciel de Provence nous vomit sur la tête une généreuse quantité de flotte. Ici, ce n'est point du crachin, mais des crachats. Que déversent les nuages, ma bonne dame. Heureusement que ça n'arrive pas souvent. Pardo préfère me laisser le volant, car déjà qu'il est myope, la pluie réduit à pas grand-chose sa visibilité. Des ports de boue, le paysage devient d'une tristesse affligeante. Parmi une forêt de poteaux électriques plantés comme au hasard, tout se confond dans le même gris sale, la mer, le ciel, la platitude. Jadis, cet endroit avait ce qu'on appelle une beauté sauvage. Aujourd'hui, des sauvages sont en train de lui voler sa beauté. L'endroit est comme lardé de monstrueuses banderies. On y voit tellement bien qu'arrivé à Fos, nous sommes obligés de téléphoner pour qu'on nous envoie un guide, tant les lieux sont difficiles à repérer. Nous arrivons finalement au bord d'un quai que je serais bien incapable de situer, et sous la flotte, s'accordant au paysage, j'ai une épave de bateau noirâtre. Le palangrier a été égrutté sur le quai pour l'éviter de couler complètement. Vu les conditions atmosphériques, je ne vais pas me mettre à fouiner au milieu de ce tas de charbon, et je demande à notre hôte ce qui l'a intrigué. Il me montre alors un faisceau de fil pendant sortant d'une plaque de fer fixée dans la cabine. Cette plaque devait servir de support à un appareil qui, pour aller plus vite, a été arraché au lieu d'être démonté. « C'est quoi, votre avis ?» je demande. Il y a gros à parier que ce devait être un détecteur radio perfectionné, peut-être jumelé avec un sonar. D'habitude, ces appareils ne sont pas montés sur ce genre de petits palangriers. Bien, ceci confirme ce qu'avait supposé l'officier des douanes, mais tout de même, nous faire venir sous cette foutue flotte pour nous montrer ça. Il n'aurait pas pu, cette andouille, nous envoyer un rapport. Enfin, il était tellement content d'avoir trouvé quelque chose. De retour à Carouge, je remarque l'estafette de tonton Séraphin garée derrière le bar. La pluie n'a pas cessé, et c'est dans le secret le plus total que De Souza est embarqué à direction Martigues. Sur le coup de midi, le ciel se déchire, mon cœur et mes poumons s'élargissent. C'est fou ce que j'ai besoin de lumière, moi. En l'espace d'une heure, les nuages se sont barrés, direction le Luberon. Tant pis pour lui. En tout cas, ce beau temps revenu est propice à ce que j'ai projeté de faire avec le cabriolet de Serge. L'après-midi, je fais un tour en Suisse, là où crêchait le papier Portos, avant qu'il ne soit en sécurité. Je réussis à engager la conversation avec les voisins plus que soupçonneux. Ma carte de policier aidant beaucoup. Je leur laisse entendre qu'ils n'ont pas de soucis à se faire pour leurs voisins. Il est sous ma responsabilité du côté de Martigues. Il ne peut rien lui arriver. J'ai l'impression d'avoir déposé quelques grains de blé empoisonnés. Tu vois ce que je veux dire, lecteur ? Je termine l'après-midi au SRPJ où je donne toutes les consignes nécessaires pour tendre le piège que je viens d'appâter autour du domicile de mon tonton. À l'heure de l'apéro, Serge débarque avec Sylvia dans leur belle alpha. Leur petit Ludo est resté sous la garde d'une amie. Gilda sort sur la terrasse pour les accueillir cordialement. Au passage, je remarque dans le regard de chacune des deux femmes une évaluation immédiate et totale des avantages physiques et vestimentaires de l'autre. L'élan avec lequel elles se font la bise prouve que l'examen était favorable, ou alors ce sont de bonnes comédiennes. Elles ont l'air de s'apprécier sans jalousie, c'est déjà bien. Sylvia a dû prendre 2 ou 3 kilos, ce qui la rend tout à fait désirable. Mais décidément, Gilda est un cran au-dessus, et surtout, elle est plus jeune. Marcel arrive juste à l'heure pour l'apéro. Nous bavardons, gentiment. Bizarrement, les femmes parlent du choc pétrolier, de l'affaire de Bruyen-Artois, du petit juge Pascal et du pouvoir d'achat, alors que Serge, Marcel et moi déconnons comme des collégiens. Après le repas, nous sortons à la fraîche fumer une clope, sauf moi qui ne fume toujours plus. La lune s'est levée, favorisant mes intentions. Moi qui n'y connais rien en calendrier lunaire, vraiment j'ai du bol aujourd'hui. Je prends mon matos photo et demande à Serge de venir avec moi. Ne cherche pas à comprendre, Sergio. Bon, les filles, on va faire 2 ou 3 photos avec la voiture et on revient. Juste à la nuit, tu vas faire des photos, toi ? S'étonne Sylvia. Gilda, qui m'a compris, me vient en aide. Oui, il a acheté un nouvel appareil ultra sensible et il veut voir ce que ça donne. Serge monte dans sa bagnole avec Marcel et je les suis avec ma Mini, soi-disant pour l'essayer après sa réparation. De retour, Gilda nous paye un digestif et nous nous séparons heureux et contents, c'est la formule consacrée, avec des « on s'appelle », des « vous viendrez manger, dormir » et tous les salamalèques habituels. Harassé par sa journée, Gilda monte se coucher. « Tu viens ? » fait-elle d'un ton là. « Non, pas tout de suite, mon minou. J'ai une course à faire, mais je ne serai pas long. »« Mais qu'est-ce que tu vas encore fabriquer à cette heure-là ? Bon, si je dors, ne me réveille pas. » Il est plus de 10 heures du soir, mais je sais que mon copain Jeannot Pécoul ne dort pas. Il va pouvoir me développer vite fait mes photos. Malgré une nuit un peu courte, je me lève ce matin frais et dispo, tout simplement parce que je sais à peu près sur quel pied danser et comment mener la suite de l'enquête. J'ai donc eu moins d'affre dans mon sommeil qu'à l'accoutumée. Mes membres grouillent d'impatience dans l'attente du dispositif mis en place avec de Souza après l'hameçon. Est-ce que ça va piter ? Par ailleurs, j'ai désormais de quoi faire fermer sa gueule à Costanza. Quand j'arrive au CRPJ, c'est l'effervescence. Les mecs vibrionnent comme des spermatozoïdes. Putain, mais qu'est-ce qui se passe ? Je demande. C'est le souk ici. C'est ce banc qui me répond avec son non-sourire habituel. Le commissariat du 15e vient de nous appeler. Rachid Zaouia vient d'avoir un accident de moto sur l'autoroute nord à la hauteur des Égalades. Il a morflé grave et a été conduit à l'hôpital nord dans le coma. Plus la peine de le chercher, on l'a trouvé. J'appelle Dardar, mon collègue du 15e. Pas question de merdoyer avec un client pareil, et il faut faire vite. Il faut absolument que les pompiers et tes hommes la ferment, tu m'as compris. Fais-le admettre à l'hosto sous un faux nom. Personne ne doit connaître son identité et donner l'alerte, c'est clair? De toute façon, j'arrive. C'est marrant, mais j'ai presque plus confiance dans les pompiers que dans mes propres collègues. Enfin, nous verrons bien si la consigne a été respectée. Ce banc, l'Antoine, l'Esposito, en voiture, direction l'hôpital Nord et à fond les ballons. Nous arrivons à l'hosto alors que le service des polytraumas examine déjà le blessé. Un des internes en chirurgie nous rencarde. Pour l'instant, fracture du crâne, fracture du bassin, enfoncement de la cage thoracique, éclatement de la rate, sans compter ce qu'on peut encore trouver. Va pas faire de vieux os, mais avis. C'est pas de peau. Vacherie. Pour une fois qu'on a tenu un bon. Mais ne nous décourageons pas. La journée s'annonçait bien. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Il faut positiver. Gardons l'espoir, les gars, et faisons des prières pour qu'il vive jusqu'à ce qu'il ait pu parler. Après, Allah pourra en faire ce qu'il veut. Qui faut-il prier, patron ? Fait Gargan d'un air ingénu, en levant les deux bras vers le ciel et en pliant les genoux. Si tu mets ton cul en l'air, je te shoote par la fenêtre. Trêve de plaisanterie. Il faut absolument que je voie le patron du service. Ce dernier finit par arriver, mais rien que sa mine de 6 pieds de long, je sens que je ne suis pas le bienvenu. J'ai honte de déranger cet homme visiblement harassé de boulot. La 60aine, grand et bien charpenté, il donne une impression de puissance rassurante, mais son visage montre à quel point son métier est pénible. Il croise ses bras velus sur la poitrine et me fait « Allez, grouillez-vous, j'ai pas que ça à faire. » « je sais, professeur. Pardonnez-moi de prendre de votre précieux temps. » Je lui explique alors qu'il devra présenter à notre équipe de garde tous les personnels qui s'occuperont du blessé, faute de quoi l'accès de la chambre leur sera refusé. « Putain, jure-t-il, vous croyez vraiment que j'ai que ça à foutre ?»« Je sais, professeur, mais c'est primordial pour la justice et pour la sauvegarde du blessé lui-même. » Il hoche la tête en regardant le sol. Je crois qu'il va accéder à ma demande. Les gars du 15e ont déjà mis 2 hommes de garde qui vont suivre le corps partout dans l'hosto. Ce banc demande une bagnole banalisée avec du renfort. Il ne s'agirait pas qu'on nous le fasse scanner avant l'heure. Surveillez toutes les entrées de l'hosto et lancez la chasse dès que vous apercevez un client intéressant. Qu'on nous prévienne tous les quarts d'heure de l'évolution de l'état du patient. Est-ce qu'on sait comment s'est passé l'accident ? C'est un gars du 15e qui me rencarde. Le mec s'est escagassé tout seul dans la rambarde à 150 au moins. À cette allure, il a dû littéralement exploser. À moins qu'on ne l'ait un peu poussé, non ? Non, non, patron. Les premiers témoins ont déclaré qu'il est parti tout seul dans le décor. Il y avait une bonne 50aine de mètres entre lui et les bagnoles alentour. Vous pensez qu'on a voulu le liquider, patron ? Qui est-le, ça ? De toute façon, ça ne change rien. Il faut qu'il vive et qu'il parle, nom de Dieu. De retour au CRPJ, je joins un dégât de l'équipe en planque à Martigues. Pour l'instant, toujours rien. Ça ne va pas assez vite. Comme pour me faire mentir, ce banc nous téléphone. Patron, Vous vous souvenez du gars qui était venu vous voir quand le rouge vous avait demandé un entretien, il y a 5 ou 6 ans, pour l'affaire Gallemard? Je me souviens qu'un mec était venu. Oui, mais alors, sa tronche. Et toi, tu l'as reconnu? Ah, je veux, oui. Des têtes de serpent comme celle-là, ça ne s'oublie pas. Je l'ai aperçu rôdant dans les couloirs de l'hosto. L'événement remontait à l'assassinat de ma femme et de mon gosse. À l'époque, j'étais sur une affaire dans laquelle le gars que j'avais projeté de liquider pour me venger avait été refroidi avant que je ne le fasse moi-même. J'allais de crise d'angoisse en crise de spasmophilie. Et l'affaire n'avait dû son dénouement qu'au cours hasardeux de la vie. Effectivement, je me souvenais d'avoir rencontré Ernesto Rojo, dit le Rouge, autant par la traduction de son nom espagnol que par le sang qu'il avait abondamment versé à ses débuts. Truand notoire, toute une palanquée de politiques, d'industriels et même d'ecclésiastiques sans ses débiteurs. Reçu dans toute la haute société, nul n'ignore son état, mais aucune police n'a jamais pu l'épingler. Pour le coup, ce brin a fait une découverte qui peut se révéler de taille. La présence de ce truand, premier couteau de Rojo, peut signifier beaucoup de choses. Ce peut aussi n'être qu'une coïncidence. Bon, t'es un chef, ce brin. Méfie, parce qu'avec ces mecs-là, ça rigole pas. Préviens les autres que la garde soit renforcée et assure-toi du but de sa visite. Faites-vous discret, hein? Tu me tiens au courant. Sur le coup de 11 heures, Pécoule demande à me voir. Je dévale en bas 4 à 4, lui évitant de monter les escaliers qui lui sont pénibles. L'air coquin, il sort doucement d'une enveloppe les clichés que j'ai pris hier. Je passais par là et je sais que tu étais pressé, alors voilà, me dit-il en me tendant l'enveloppe. C'est sombre, enfin, j'ai fait ce que j'ai pu. Fébrilement, je jette un œil sur mes clichés. Ils sont du tonnerre. C'est exactement ce que je voulais. Emporté par ma joie, je bise 3 fois Pécoule et remonte aussi sec dans mon bureau. Je planque jalousement les photos dans mon cartable et passe un coup de fil au juge pour le mettre au courant des derniers développements de l'affaire. Volpi, je sais à peu près où vous en êtes avec Pardo. Vous avez fait du bon boulot. L'affaire me paraît assez claire maintenant. Dès que vous coffrez quelqu'un, je l'inculpe pour meurtre et trafic de stupéfiants. Nous avons déjà Sauveur Bergam, que j'étais obligé d'inculper de meurtre, même si vous étiez un peu trop avancé avec lui. Vous comprenez? La famille sait que Zéphirin a été assassiné et l'attend coupable, qu'il faut lui donner, en toute justice. Mettez-vous à leur place, commissaire. Et puis, j'aime bien la région marseillaise et je voudrais y rester encore quelque temps, vous voyez ce que je veux dire. Toutefois, la seule chose que j'ai pu obtenir pour Bergam, c'est le lieu d'incarcération. Du côté de Bordeaux, ou Nantes, peut-être. C'est sympa, non? Il est certain qu'il va vous vouer une haine éternelle, mais quand il sortira de tôle, ou plus tôt, vous serez déjà à la retraite en Corse ou en Sardaigne. Je comprends, monsieur le juge. Par ailleurs, j'ai un petit conseil à vous demander. Un type essaye de me faire chanter avec des photos complètement bidonnées. J'ajoute que ce type est certainement mouillé dans l'affaire qui nous intéresse. Que me conseillez-vous? Prenez les devants, Volpi, portez plainte. Je suppose que vous avez les arguments nécessaires. Tout à fait, monsieur le juge. Bien, nous avons fait le tour de la question. Dès que Zawiya sera en état de parler, prévenez-moi immédiatement. Je veux être là pour recueillir ses premiers mots. Juste avant midi, un des gars en planque à Martigues nous appelle. Tous les sens en éveil, je prends fébrilement la communication. Patron, ça y est, ça bouge. On a vu Norbert Carbona rôder dans les parages. Ce manure s'est déguisé en facture à vélo et distribue des pubs dans les boîtes aux lettres. Mais on l'a clairement reconnu. Bingo. Mes grains de blé empoisonnés semés en Suisse ont fait leur effet. Les voisins du Portugais ont cafeté, j'en étais sûr. Et tu es sûr qu'il ne vous a pas éventé? Risque pas, on est chez l'habitant, juste à côté de l'atelier de M. Bernabeu, votre parrain. Il y a un autre gars, nous, qui pêche au bord du canal en face. À mon avis, Carbona doit essayer de repérer les lieux pour voir comment s'y prendre. Bah, c'est sûr. Bien qu'avec ce genre de gonze, il faille s'attendre à tout. Sur un coup de tête, il est capable de passer à l'action sans envoyer de faire part. Continue à ouvrir l'œil. J'ai l'impression qu'il n'y en a plus pour longtemps. Prévenez discrètement mon tonton qu'il se tienne sur ses gardes. Le lendemain, en fin de matinée, l'hôpital nous appelle. Zawiya a repris conscience et le pronostic vital est favorable. En principe, nous pourrons l'interroger en milieu d'après-midi. Le juge me précède pour entrer dans la chambre du blessé où règne une odeur d'éther et de caoutchouc. Rachid ressemble à l'homme invisible quand il se met à poil et veut qu'on le voie. Les bras raides le long du corps, il est alimenté de tuyaux comme des tomates sous serre. Nous nous penchons tous les deux sur le corps, près du visage. « Rachid, tu m'entends ?»« Ta mère, » dit-il dans un murmure. Laisse ma mère tranquille et occupe-toi de la tienne, connard. Il va bien, monsieur le juge. Vous pouvez y aller. Zaouia, dit le juge, vous savez que j'ai déjà suffisamment de charges contre vous pour vous envoyer à la guillotine. M'en fous. Non, je sais que vous ne vous en foutez pas. Pour l'instant, vous êtes étroitement gardé, vous ne risquez rien. Mais une fois rétabli, en centrale, je ne donne pas cher de votre peau. D'une façon ou d'une autre, il va vous falloir faire le bon choix, sinon c'est la mort assurée. Et alors ? Fait Rachid, attendant le deal qui pointe sous les propos du juge. J'ai besoin de savoir pour qui vous travaillez, qui vous donne les ordres et surtout, qui s'en met plein les fouilles pendant que vous prenez des risques. Pas un donneur. Votre copain sauveur a parlé, lui. Il a sauvé sa tête et il ne finira pas ses jours en prison. Réfléchissez. Chier. Je viens en aide au juge. Laissez-le, il ne dira rien, c'est un dur. Il préfère finir égorgé avec une cuillère à café ou prendre une balle dans la tête pendant un transfert. À ce moment se produit un événement inopportun qui n'aurait jamais dû arriver. La mère de Zaouia fait irruption dans la chambre, traînant après l'un gardien qui n'arrive pas à la retenir. « Voilà, t'es-y content maintenant ? » fait-elle à son fils. « T'y as gagné ? » ?»« À force de faire des conneries, voilà où tu en es. Ton père, il a eu un malaise et maintenant, je vais avoir deux morts. » Malgré ses paroles peu amènes, elle lui prend la main et la caresse de ses doigts. « Il ne veut pas parler, madame, il ne veut pas sauver sa tête. » tente le juge. « Dis-leur tout, imbécile, qu'est-ce que tu y en as à foutre maintenant ? Tu penses pas à moi, à ton père, à tes frères, à tes sœurs ? C'est fini les conneries maintenant, il y en a assez. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi, ma vie ou celle des cons pour qui tu travailles, chitant ?» Rachid a fermé les yeux et semble réfléchir. Soudain, contre toute attente, deux larmes lui coulent sur les joues. Je pousse un peu le bouchon. « Allez Rachid, ta mère a raison, il faut tourner la page, on t'aidera. » Finalement, au bout d'une bonne minute, Zaouia entre ouvrant les lèvres. Meyer, et après avoir décrit un cercle avec son doigt, comme pour indiquer un étage supérieur. Le rouge, finit-il par murmurer. C'est qui, Meyer ? Demande le juge. Rachid secoue faiblement la tête de droite à gauche en fermant les yeux, indiquant par là qu'on commence à lui briser les kiwis, et que ce qu'il a dit doit nous suffire. Je pose ma main sur le bras du juge pour le prévenir qu'il vaut mieux nous retirer. Une fois dans le couloir, le juge retrouve le sourire et me tape sur l'épaule. On ne s'est pas si mal démerdé, hein, Volpi ? Ne chantez pas victoire. Si la mère n'était pas rentrée, on pouvait se brosser pour qu'il parle. Le juge revient à l'affaire. Vous savez qui est, ce Meyer ? J'ai compris qu'il travaillait lui-même pour Ernest Rougeau. Vous vous rendez compte ? C'est la première fois qu'on tient quelque chose sur le rouge. Bien sûr que je m'en rends compte, mais la partie devient bougrement difficile. Imaginez qu'avec une ligne pour attraper des gobies, tout à coup un tombe et un mort dans l'hameçon. Que dis-je, un thon ? Un requin, oui. Il va falloir travailler notre gros poisson doucement, sans un coup, avec méthode et patience, monsieur le juge. Je vous fais confiance, Gino, ainsi que Pardo d'ailleurs. Vous allez réussir, fait-il dans un sourire. Il nous faut des commissions à l'appel, écoute téléphonique, compte bancaire, parti politique, comptabilité d'entreprise et les patins couffins. Sans oublier des hommes, monsieur le juge, des hommes. Je vois, oui, ne vous inquiétez pas. Je vais de ce pas rendre compte au procureur. Putain, si en diable, une fois le juge parti, je fais une remontrance au gardien. Bravo pour la surveillance. Et encore, ce n'était qu'une femme. Qu'est-ce que ça aurait été s'il s'était agi d'un gros armé d'un calibre ? Service, service. Il ne faut pas laisser déraper les choses. Sans dire rien, dans 3 jours, ce gars est capable de taper la carte avec le blessé. En rentrant au bureau, je me fais arrêter au commissariat du 15e et demande à voir mon homologue. « Oh, collègue, tu peux m'expliquer comment la mère Zaouia, après que son fils était à l'hosto, ça craint chez toi ?»« Je sais pas, moi. Quelqu'un de la cité a peut-être reconnu Zaouia en passant en voiture au moment de l'accident. Ou alors c'est un des pompiers, va savoir. » »« Et puis tu sais, certains de mes hommes entretiennent ce qu'on pourrait appeler des relations de bon voisinage avec la cité de Plandaou. Je ne pourrais pas savoir qui c'est. » Ben merci quand même, dis-je froidement. En tout cas, on aurait tout aussi bien pu liquider le gonze avec votre façon de voir les choses ici. Ne le prends pas comme ça. Tu sais, la mère Zaouia, elle nous a vus plus souvent que son toubib avec la bande de frappadins qu'elle a. Quant à son mari, il y a longtemps qu'il a baissé les bras avec son armée de minots. Ben il n'avait qu'à pas les faire, voilà. Allez, ciao. Et voilà, petite mise au point. Ça ne sert à rien, mais ça défoule. De retour au bureau, je jette en pâture à mes hommes le nom de Meyer, tel un os à ronger. « Il va falloir me trouver qui est ce Gus. Ça m'étonnerait qu'il soit fiché, sinon le rouge ne travaillerait pas avec lui. Pour vous mettre sur la piste, cherchez un type friqué, bien sous tout rapport, dans la finance ou l'immobilier ou la comptabilité, ou peut-être le barreau, qui l'ose ça. Ah, et puis il va falloir me trouver le domicile réel de Rougeau et de le mettre sur écoute. Le meilleur aussi d'ailleurs, une fois que vous l'aurez logé. Curieusement, au lieu d'être satisfait des infos que je viens d'avoir, je me sens écrasé par l'ampleur de la tâche et, sensation que je connais bien, une bouffée d'angoisse m'assaille. Allez, Gino, tu n'as pas recommencé à déconner. Fais face, nom de Dieu. Pour chercher du courage, je joins Pardo et lui demande de venir me voir. Il nous faut échanger toutes les infos qui pourraient nous tomber sous la dent. Je fais de même avec Serge. On n'est jamais assez nombreux dans ce genre d'affaires. Une fois notre entretien terminé, il me reste une tâche pénible à laquelle j'aurais pu mieux fort. Aller voir le Dirlo. Je frappe à sa porte et entre, l'air sérieux. Encore un mort, Volpi ? Aussi c'est que je tourne les talons et saisis la poignée de la porte. « Volpi, attendez, je plaisante, nom de Dieu, revenez !» Je referme la porte et vais directement m'asseoir en face de lui sans attendre qu'il m'en prie. « Qu'est-ce qui ne va pas, Volpi ?» Je sais que je n'ai pas toujours l'art et la manière, mais je vous jure que je plaisantais. Ne le prenez pas en mal. J'ai toujours l'impression que vous vous foutez de moi, et je suis sûr que la plupart du temps c'est le cas. Mais pas du tout, Volpi. J'ai au contraire beaucoup d'estime pour vous. Et dites-vous bien que si vous avez été réintégré, c'est parce que j'y tenais particulièrement. Même si je m'y prends mal avec vous, je vous demande de me considérer comme un allié et non comme un ennemi. Je suis là pour vous aider et pour cela, je fais tout ce qui est en mon pouvoir. Je sens que vous êtes sous pression. Allez, faites-moi votre rapport et détendez-vous. Voilà le type qui va me faire chialer dans l'état de nerf où je suis. Allez, courage. Au fur et à mesure que je parle, je sens l'étreinte se desserrer, et je finis même par sourire en lui avouant que pour une reprise de fonction, cette affaire n'est pas une demi-mesure. Je le sens lui aussi se détendre, et il me conforte dans toutes les dispositions que je compte prendre. « Je sais que ce n'est pas facile, » me dit-il, sérieux. « Pardonnez-moi d'avoir pris les choses aussi légèrement. Si vous butez sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler à n'importe quelle heure, et si par malheur sa mère doit... J'en assumerai l'entière responsabilité. Ouais, bof, je pense. Ça ne mange pas de pain de dire ça. La journée s'achève et n'apportera certainement rien de nouveau. Direction Caro et les bras de ma belle. J'ai besoin de compassion, de compréhension et de soutien. Et puis d'un bon Glenlivet, avec de l'eau plate, bien fraîche. Grâce à Gilda, qui m'a presque bercé comme un enfant, j'ai passé une nuit réparatrice qui me permet d'envisager l'avenir sous un jour un peu plus serein. Heureusement que je suis dans cette disposition d'esprit, car ce banc débarque en trombe dans mon bureau sans me laisser le temps de toucher terre. D'habitude, il est beaucoup plus nonchalant et impavide. Je me suis regardé sur le beau gosse plein de bagouses. Il a bien demandé s'il n'y avait pas un blessé grave qui venait d'être admis après un accident de moto. L'accueil l'a dirigé vers les urgences et là, ses cons lui ont dit qu'effectivement il y avait un gars en train d'être opéré. Il n'a pas cherché plus loin et a disparu. Je l'ai vu ressortir de l'hosto. Ça craint, patron, je vous le dis. J'ai mis deux mecs sur lui des fois qui nous amènent à Rougeau. Ah là, ça serait extra. Bon, t'inquiète, puisque le juge a entendu Zaouia, ça sera demi-mal s'il le bute. Maintenant, il va falloir frapper la tête, et ça, c'est une autre histoire. J'attends avec impatience qu'on ait logé ce meilleur. Ce ne devrait pas être si difficile à moins que le rouge ait savamment brouillé les pistes. Par ailleurs, il faudra après monter un flag ou obtenir des preuves en béton, parce qu'avec ce genre de requin, rien n'est laissé au hasard. Comptabilité clean, contact démultiplié et asservi, comme dans une boîte de vitesse, alibi en platine et témoin de bonne moralité. Le bigophone me tire de mes réflexions. C'est la secrétaire du procureur de la République qui demande à me voir de toute urgence, me dit-elle. Je raccroche, perplexe. Serait-ce au sujet de la plainte que j'ai déposée contre Costanza? Toute affaire cessante, j'obéis rapidos. Le procureur me reçoit dans son grand bureau, l'air sérieux et ennuyé. C'est un homme qui approche la soixantaine, un peu guindé. C'est un Sévenol, et je le soupçonne fort d'avoir reçu une éducation protestante rigide et austère. Volpi, j'ai reçu ce courrier ce matin. On vous y accuse, preuve à l'appui, de l'assassinat du conducteur de l'Alfa Romeo qui a brûlé à Caro. Par ailleurs, dit-il en prenant sur son bureau un journal, est-ce que vous avez lu la dernière édition du Provençal? Non? Regardez, fait-il en me tendant le journal. Bien ouvert à la page concernée, un crachat de baveux s'étale au beau milieu. Le commissaire Volpi en eut trouble. Ce fonctionnaire de police sera le meurtrier du conducteur de l'Alfa Romeo retrouvé calciné dans sa voiture près de Saussay-les-Pins. Notre informateur nous a remis des photos qui paraissent en effet assez éloquentes. Volpi devra s'expliquer sur ce côté sombre de son activité dans notre région. Rappelons que ce commissaire a toujours eu un parcours très atypique. Effectivement, durant les manifestations de mai 68, les salauds. Quand me lâcheront-ils les baskets avec ça? L'article est complété d'une photo en encart. C'est celle où Marcel et moi chargeons un paquet entre les deux bagnoles, l'Alpha et la Mini. La légende précise, preuve accablante pour le commissaire Volpi. On le reconnaît avec un de ses amis chargeant encore dans la voiture de l'homme carbonisé. Bien, bien, fais-je, très calme. Là-dessus, le proc brandit les fauteuils de Costanza comme s'il détenait déjà mon arrêt de mort. Pour l'instant, tout se déroule comme prévu, et je ne m'affole pas plus que cela, ce qui a l'air de dérouter complètement le procureur. Eh bien, qu'avez-vous à dire sur cette affaire? Je vous écoute, fait-il nerveux. Je crois bon de rappeler au procureur les tenants et aboutissants de cette affaire, et notamment que le mort n'a pas été identifié par nos services. Puis je hasarde une question. La lettre est-elle signée, monsieur le procureur? C'est moi qui pose les questions pour l'instant, Volpi. Bon. Eh bien, si la lettre n'est pas signée, comme je le présume, je suis en mesure de vous donner son expéditeur. Vous avez dû recevoir mon dépôt de plainte pour chantage et extorsion de fonds, je présume? Oui, je m'en souviens. Et alors? Le rapport avec ça? Fait-il en secouant les photos. Eh bien, mais celui qui est à l'origine de ces torchons, dis-je en montrant la lettre et le journal, n'est autre que le gars qui me fait chanter. Non seulement j'ai refusé de chanter, mais de plus j'ai porté plainte. Cet homme se nomme Mario Costanza et d'après ses dires, le mort était son propre frère, ce qui peut expliquer un désir aveugle de vengeance. Mais son mobile est plus complexe. Je sors alors de mon cartable tout mon dossier. Tout d'abord, la photo de Costanza devant la villa de Cari, impasse des Tamaris. Voilà l'homme en question. Il participe à une livraison de drogue devant une villa que nous avons perquisitionnée par la suite et dans laquelle les stupes ont trouvé des preuves suffisantes. L'homme au bob a été arrêté et avoué. Voici maintenant une photo prise à l'insu de Costanza, sur laquelle on le voit accepter de moi une enveloppe. Vous avez donc déjà payé? Au moins une fois, me coupe le procureur. Pour mieux le faire, monsieur le procureur. C'était un piège que je lui tendais. Mais il m'a deviné et m'a rendu l'argent. Il voulait autre chose, je vous l'expliquerai. Voilà maintenant la déposition du nommé Sauveur Bergam, dans laquelle il déclare que Costanza a commandité le saccage de mon appartement. Au fur et à mesure que les documents parviennent dans les mains du proc, son visage se détend et montre un vif intérêt. Et enfin, voici les photos dont la pellicule m'a été volée lors du casse de mon logement. Comme vous voyez, il s'agit des mêmes photos, mais sur celle-ci, le flash de l'appareil a fonctionné et on reconnaît parfaitement l'immatriculation des voitures. Mon ami Marcel et mon collègue Serge Michaud, que vous devez connaître. Regardez. Regardez, voici la photo réussie où nous plaçons un tapis à l'arrière de la voiture de Michaud. Pourquoi avoir pris ces photos? Fait le procureur. Excusez-moi, mais il me semble que vous dépensez la pellicule pour rien, Volpi. Ou alors il y a une raison que je ne saisis pas bien. J'avais pris à laisser un appareil d'occasion et je voulais voir ce qu'il donnait. C'est un ami qui me développe les photos en échange d'un bon repas, de temps à autre. Où étiez-vous le soir où la voiture a brûlé? J'étais justement à Carreau, chez mon ami qui y possède un bar. J'ai passé la soirée chez elle avec sa mère qui était venue pour 2 ou 3 jours. Il y avait aussi Marcel, un voisin et ami. J'ai dormi chez Marcel, à Carreau même. Parfait. Vous avez au moins 3 témoins. Mais je ne comprends toujours pas le mobile de ce chantage. Costanza savait que j'enquêtais sur le trafic qui se passait à Carreau. Il a voulu avoir barre sur moi afin de négocier sa mise hors de cause éventuellement. Ce n'est donc pas l'argent qui l'intéressait. Quand j'ai retrouvé les photos qui étaient chez mon ami Pécoul, j'ai décidé de me débarrasser de ce truand. Et tant pis pour le journal. Je leur demanderai de publier un démenti, photo à l'appui. Le proc est absorbé dans ses réflexions. Il manipule les photos et je sens bien que ses neurones tournent à plein régime. Donc, vous n'avez toujours pas identifié l'assassin du conducteur de l'Alpha? Ce n'est pas moi qui me suis occupé de cette affaire, mais il y a gros à parier que c'est un des membres de la bande qui a fait le coup. Antonio Costanza, le frère du maître chanteur, s'était fait remarquer des services de police de Salon il y a 3 ou 4 ans. C'était un électron libre et turbulent qui devait leur gâcher le métier. C'est bien dans leur méthode d'effacer toute trace de crime. Ils en ont laissé des traces tout de même. Juste ce qu'il faut pour faire peur aux autres et que ça serve d'exemple. Le procureur se lève pour me signifier que l'entretien est terminé. Je suis assez content de moi, finalement. Grosso modo, les choses se sont déroulées comme prévu. Peut-être que les prières de la femme de Sanchez y sont pour quelque chose, qu'il osa. Le proc me tend les photos et va se rasseoir à son bureau. Bon, très bien. Vous maintenez votre plainte ? Évidemment, monsieur le procureur. En revenant au bureau, je passe par la rédaction du Provençal. Bien sûr, le rédac-chef n'est pas surpris de me voir. Je l'attaque bien en tête. Vous ne reculez devant rien pour vendre votre torchon, je vois s'y faire. Il me regarde du coin de l'œil d'un air amusé. Il décide de la jouer cool face à un mec qui pourrait faire du scandale. Asseyez-vous, je vous en prie, monsieur le commissaire. Vous devez comprendre que nous faisons notre métier et cela ne plaît pas toujours à tout le monde. Je ne suis pas tout le monde, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Et puis vous faites un drôle de métier. Vous allez me faire le plaisir de publier un démenti formel, preuve à l'appui. Regardez ces photos. Et je lui sers le même couplet que celui que j'ai chanté au proc tout à l'heure. Seule différence, je ne lui donne pas le nom de mon maître chanteur. Le rédacteur en chef examine les photos et semble jubilé. Quel plaisir de remuer la muise, quelle fumée excitant. Quelle aubaine, puisque je lui sers un nouvel article gratos sur un plateau. Finalement, dans un large sourire, il m'allonge. Demain, nous allons titrer « Le commissaire Volpi honteusement calomnié », avec commentaires et clichés à l'appui. Vous me les laissez, bien sûr. Mais vous devez forcément connaître la personne qui vous fait chanter. Bien sûr que je la connais, mais cela ne vous regarde pas. Non, mais ce n'est pas encore la Noël. De retour à Carreau, j'ai l'agréable surprise de trouver sur la table de la cuisine une pleine caisse en beau bois blanc contenant 12 bouteilles de Glenlivet. Et dans la chambre, en me changeant, je remarque un énorme bouquet de roses qui a parfumé toute la pièce. « C'est de la part de ton pote Sanchez, » me fait Gilda. « Si c'est pas de l'amour, ça, je ne m'y connais pas. » Je dois donc lui expliquer l'épisode de la valise, ce à quoi elle répond. « Alors, si c'est pour ça, je trouve que c'est un peu léger comme cadeau. Il aurait pu nous payer un voyage, fan de pied. »